mais j'sais pas comment t'expliquer. Y'a les potes, y'a les putes qui te font les potes, les potes qui deviennent des putes. Comment te dire, c'est compliqué, tu veux m'avancer, fais péter 30 kilos. J'appelle le cousin, on se met en place.